m'a volé ma petite amie. Et l'argent des banques, tu l'as blanchi. Je veux ta peau et les flics aussi. Sache que si l'un nous attrape, tu es fini. T'as pas pris de passeport ni de valise. Puis tu t'es barré sans tes chemises. Pour un autre pays, tu as mis les voiles. Sans rien du tout, sauf dans ta poche de jean. Une arme, tu es le déserteur de ton pays. Tu es le voleur de ta patrie. Tu as le bonheur et certains t'envient. Mais sache que tu ne l'emporteras pas au paradis. Ma petite amie m'écrit dans mon courrier. Qu'entre vous c'est fini, tu l'as jeté. Mais elle, je ne l'ai plus, je l'ai oublié. Par contre, pour te retrouver, les flics m'ont engagé. T'avais de l'argent, une fille la liberté. En lui faisant confiance, tu t'es fait piéger. C'est malheureux, je te l'accorde. Et si tu veux te pendre, tiens, voilà une corde. T'étais le déserteur et tu es pris. T'étais le voleur, tu es fini. Tu as le malheur et je m'en réjouis. J'avais dit que tu ne l'emporterais pas au paradis. Le jeu du déserteur, il est fini. Les flics ont gagné contre le bandit. Derrière des barreaux, tu passes ta vie. Sache pour te consoler que la corde n'a pas servi. Tu ne l'emporterais pas au paradis. Je t'avais dit que tu ne l'emporterais pas au paradis. Je t'avais dit que tu ne l'emporterais pas au paradis.